Une invitée unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste. Une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée par Marc Lazaro et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Christine Vodraska. Bonsoir Christine Vodraska. Bonsoir. Vous êtes native d'Aix-en-Provence, oui. Installée à Toulouse depuis 1977, joueuse de piano, dont vous commencez l'apprentissage très jeune. Et vous abordez cet instrument d'abord par la musique classique, ensuite par le jazz. Et puis vers l'âge de 20 ans, vous vous tournez vers les musiques improvisées. Ça y est, ouais. J'ai lâché le gros mot, musique improvisée. Musique barrée, aventureuse, expérimentale, située quelque quelque part aux confins du jazz, des musiques populaires, de la musique contemporaine et des univers bruitistes. La musique improvisée a plutôt mauvaise presse, jugée élitiste, difficile d'accès. Elle fait parfois peur, mauvais procès, derrière lequel se cache souvent une certaine flemme à partir à la découverte de propositions et de formes, certes peu souvent usitées, mais qui ont cet avantage majeur. Loin des sentiers battus et du formatage, elles sont devenues au fil du temps un des derniers refuges pour l'aventure musicale et l'expérimentation. Alors pourquoi s'enthousiasmer pour la musique de notre invité ? Eh bien, sans doute pour son authenticité tout d'abord. Ici, il ne s'agit pas ni de vendre, ni de montrer sa technique, mais de faire de la musique. Une musique en perpétuelle construction et toujours en équilibre précaire. Ici, rien n'est définitif, sauf l'émotion. Pour l'audace, ensuite, tant vos compositions s'attachent autant à la forme qu'au fond, bouleversant tout à la fois votre rapport de musicienne à votre instrument, tentant de tirer de ce dernier le maximum de sons possibles, que de la façon de concevoir les formes instrumentales avec lesquelles vous jouez, du solo aux improvisations collectives soutenues par de grands orchestres ou en duo, votre formation privilégiée, à l'exemple de celui que vous avez formé avec le percussionniste et batteur Ramon Lopez et dont on vient d'écouter un morceau au début du chemin. Pour le partage, enfin, tant votre musique vaut aussi pour le plaisir de la voir se jouer sur scène. Jubilation d'entendre un morceau se construire là, devant nous, en direct et sans artifice. Fragilité de l'instant, fugacité du moment, tout concourt à faire de vos concerts, qu'ils soient en solo, en duo ou, je le disais tout à l'heure, quelquefois en grande formation, un moment rare et unique. Il n'en reste pas moins que toutes vos composition évite les chemins déjà parcourus et reste résolument aventureuse. Christine de Vaudrasca, de tout cela et de sans doute plein d'autres choses, il va être question pendant l'heure que nous allons passer ensemble autour de la liste de 10 morceaux que vous nous avez amenés ce soir. Une liste plutôt singulière, mais je vais laisser les auditeurs en juger eux-mêmes. Quelque chose à rajouter, Christine, avant que nous commencions cette liste ? Bah non, écoute, t'as dit plein de choses, alors... La liste de Christine Vaudrasca, c'est tout de suite, premier morceau. Morceau de votre liste, Christine Vaudrasca, cette mignonne « Allons voir si la rose », une mise en musique d'un poème de Pierre de Ronsard, mise en musique effectuée au XVIe siècle par Guillaume de Cotelet. Absolument. Pour chant polyphonique. Oui. Pourquoi ce morceau, pour attaquer cette liste ? Alors parce que c'est, disons que c'est un de mes premiers émois musicaux très forts que j'ai eu quand j'étais petite. Il y avait mon oncle, frère de mon père, qui chantait ça. Et lui, il adorait la chorale. Enfin, il allait dans une chorale et tout. Et à Noël, donc c'était Provence. Hein, donc les Noëls provençaux, il y a beaucoup de musique, des chants notamment. Et il chantait ça. Et il y avait sa femme qui faisait la deuxième voix. Et moi, J'adorais faire les voix différentes. Donc, je faisais la troisième ou la quatrième, selon les années. Après, petit à petit, je les connaissais, quoi. Et c'était un plaisir fou. J'adore la polyphonie, ça me fait pleurer, ça me touche profondément. Et a cappella encore plus. La voix est un instrument particulier pour vous qui êtes pianiste ? Je me rends compte, figurez-vous, en faisant la liste. Et puis en ce moment, il y a quelque chose avec la voix, je crois, qui est en fait très important, que je ne soupçonnais pas à ce point-là. Parce que je joue, quand je joue, je parle, je crois, beaucoup, entre autres. Hein. La voix, je l'aime dans tous ses états, je crois. Ouais. La musique, vous l'avez découvert comment ? Je disais en début d'émission, vous avez commencé le piano assez jeune. Oui, vraiment. C'était mon père qui, en fait, était un amateur éclairé de jazz et notamment jouait de la trompette, pas mal du tout. Son préféré, c'était Armstrong, normal à l'époque, puis même, il jouait un peu dans le genre. Et donc, lui, il a dit, tiens, ça serait bien, les enfants, ils vont faire du piano tôt. Pof. Comme on avait un vieux piano droit qui traînait. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un piano droit à la maison, ouais. Un prof qui vient Non, je vais le voir, cours privé. Cours privé, ouais. Tôt déjà. Et la suite, après, c'est quoi ? J'y vais comme ça, je ne fous rien. Parce qu'on ne me demande pas si j'ai envie ou pas, mais... Voilà. Et puis petit à petit, à l'adolescence, ça continue. Puis à un moment, à 13 ans, j'ai dit j'en ai marre. Et puis à 14, je reprends. Cours privé, toujours, parce que c'est même pas la peine de me parler de conservatoire, tout ça. Et puis à 14, je dis à mon prof, voilà, j'aimerais bien faire du Bach et du Debussy. Ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Mmh. C'est-à-dire, à l'époque, c'était Chopin, romantisme et le reste. Bon, l'époque, Bach c'était et Debussy, la fin des années 60, à peu près, début des années 70. C'est ça, à peu près. Ouais. Debussy, Bach, voilà. Et là, j'ai repris à mon allure. Hein. Mmh. Après, j'ai arrêté peut-être les cours vers 17 ans, 18 ans, je pense. Mais bon, je n'étais pas une folle de cours, techniquement, moyen, quoi. Puis ça me stressait de devoir tenir compte de tout ce qui avait marqué sur la partition. J'étais juste stressée de nature, alors ça n'arrangeait pas les choses. Voilà, donc... L'apprentissage du solfège a été... Par contre, pas du tout. Ah oui. Voilà, je ne comprends même pas pourquoi les gens ils sont bloqués avec le solfège. Pour moi, c'est un moyen de communication. C'est une langue, voilà, quoi. Une langue comme une autre. Ah ouais. Et qui sert beaucoup d'ailleurs en effet des livres, des livres musicaux, mais il y en a plein qui sont, et des improvisateurs, peut-être moins maintenant, mais à une époque où ils n'aimaient pas trop. Et il y a plein d'improvisateurs qui ne connaissaient pas les notes. Oui, c'est des blocages comme les maths en fait, c'est la même chose. À la maison, on écoutait quoi autre le jazz de votre père ? Il y avait mon frère aîné quand même, qui était très important. En fait, moi, la musique est venue à moi d'un côté comme de l'autre. Et mon frère aîné, donc, qui était branché, lui, en effet, la musique de l'époque, les années comme 60-70, là. Donc, lui, c'était jazz rock. Mmh. Donc, ça y est, tout à l'heure, il y a un petit truc, un dérivé. Mmh. Et jazz rock, alors, il y avait, Soft Machine, tout ça, on en reparlera. Magma, je ne sais plus quoi. Oui, tout ce qu'on a appelé le progressive rock dans les années 70. On écoute toujours la liste de Christine Wodarska et voici le deuxième morceau. Thank you. Mora, morceau de Irène Schweizer et de Louis Moholo. Oui. Un duo, une formule duo que vous aimez beaucoup. Eh oui. Oui, la conversation, plus que ça, c'est intime. Et c'est... On ne peut pas ne pas être là en improvisation avec un duo. C'est pour moi la formation la plus virtuose. Mmh. Voilà, j'allais dire. Mais par contre, c'est la plus puissante pour moi. Voilà. Ça révèle des choses vraiment cachées en nous, en l'autre. Et puis ça va, ça vient, c'est réactif, c'est actif, voilà. Et pourquoi ce duo-là, un deuxième morceau de votre liste ? Ah bah, y a plein de symboles dans cette liste-là, enfin dans ce duo-là. D'abord le duo, donc. Batterie, piano, j'adore. Hein, là, d'ailleurs, on travaille, on a enregistré là, avec Didier Lasserre, donc un nouveau duo, d'ailleurs, qui va être joué au mois d'octobre, que j'ai appris ça hier, tu vois, c'est tout frais. Un festival écouté pour l'instant. Et alors, il y a dans Irène Schweizer, une femme au piano, qui a été quand même, pour moi, un exemple pianistique, qui a elle-même eu comme exemple Cécile Taylor, que moi, j'ai eu aussi. Enfin, voilà, c'est de l'énergie, une manière différente d'approcher le piano, un mélange de jazz, d'impro, d'atonal, tonal, tout ça, enfin bon. Et une force, une réelle qu'elle a, cette femme. Une Suisse, donc. C'est aussi le côté international, c'est très intéressant. Et nous avons Louis Moholo, qui est sud-africain. Et le jazz d'Afrique du Sud, l'improvisation d'Afrique du Sud, j'ai adoré. C'est quoi que vous aimiez dans cette façon d'aborder les musiques impro en Afrique du Sud ? D'abord, ils ont une source d'inspiration qui est assez... qui est due aussi au traditionnel de là-bas. Qui est aussi de la musique religieuse, je pense, que j'aime beaucoup, qui est aussi un peu polyphonie. Donc, c'est ce truc-là, toujours. C'est-à-dire que, par exemple, un pianiste, Chris McGregor, notamment, que j'ai adoré, avec son Brother of Dovebreath, voilà. Et il y a une basse qui est obsessionnelle, qui va être jouée, mais une basse, attention, très mélodique, à la main gauche et à la main droite, on improvise. Et ça, j'ai travaillé, j'ai fait des thèmes dans le genre. Enfin, ça m'a énormément influencé une époque. Je sais pas, il y a un truc joyeux là-dedans, très pur. Enfin, il y a quelque chose. Il y en a pas mal. J'allais noter là pour parler. Voilà, Dollar Brandt. Enfin, c'était Abdullah Ibrahim qui était un compositeur aussi. Donc Chris McGregor, Doudou Bouana et Johnny Dayani. À l'époque, donc, c'était impossible que les Noirs et Blancs jouent ensemble. Et donc, il y en a qui. Ce duo m'a marqué ça aussi. Aussi, tout à fait, l'apartheid qu'il y avait donc à l'époque, hein, qui était très important, et ils sont tous donc ils sont restés en Europe. Chris McGregor aussi, donc oui, était bleu, et donc ils sont restés pour jouer ensemble. Et à l'époque, ça nous avait marqué quand même. Il y avait plein de trucs comme ça encore qui traînaient. Avant de vous lancer dans les musiques improvisées, vous écoutiez quoi et quelle adolescente vous étiez au niveau musique ? De quoi vous parliez avec les copains et les copines dans la cour de récré quand vous parliez musique ? Ben, on ne parlait pas musique. Je n'ai pas parlé musique avec mes copains et mes copines, c'est clair. Et donc moi, le rock ne me touchait pas. Mais je trouvais ça... la batterie rock m'a graissé quelque part. Poum, poum, poum. Avec un son pas beau. Enfin, je trouvais les sons pas beaux, un peu durs. Et à l'adolescence, c'était pas évident pour moi. C'était une période pas du tout évidente. Donc, moi, ça me... Voilà, je me cachais et j'écoutais. Donc, qu'est-ce que j'écoutais ? Personnellement, très vite, je me suis mise à écouter surtout le jazz rock, tout ça. Et puis, petit à petit, il y avait l'émission de José Ardur. C'était Pop Club, voilà, des choses comme ça. Il y avait aussi Blanc Francard. Là, oui, Blanc Francard qui faisait Marche ou Rêve, ou avec Claude Villers. Voilà, il y avait des émissions comme ça. Hein. Et vous étiez branché radio et la musique, c'était la radio. Oui, pas mal, oui. Oui. Le premier disque acheté, vous vous souvenez ? Je n'achetais pas beaucoup, mon disque. Ouais, j'étais pas une... Oui, alors non, qu'on m'a offert, mais c'était quand j'étais minus. Hein. Vraiment minus. Je crois qu'on me l'a offert, c'était Sacré Charlemagne. Ah oui, ah oui, oui. Je dis ça parce que France Gall aussi, avec mon frère, donc, que vous avez cité tout à l'heure, qui écrit des... Ouais, il aimait beaucoup France Gall aussi. Donc ça faisait partie aussi de l'ambiance musicale à la maison, parfois. Voilà, il y en avait un, c'était la chanson française bien, bien variétoche, et il était petit. Hein. Et l'autre, c'était... il écoutait jazz rock et progressive voilà, rock. Et puis mon père, c'était le jazz pur. Et puis moi, au milieu, bah, c'était un peu la radio, et puis un peu tout ça. Voilà. Moi, j'ai connu, il n'y avait pas de disque à la maison, hein, j'ai connu presque par cœur Brel, Brassens, je ne sais pas moi, tous ces gens-là, ces chanteurs, Barbara, tout ça, je les connaissais par la radio parce qu'on faisait un voyage très fréquent de Paris, Paris-Marseille en voiture. Et, radio branchée, et puis même, je veux dire, on mettait la radio, c'est clair. On passe, j'allais dire, dans un autre univers, quoique avec l'Art Ensemble de Chicago. Ça marque votre intérêt pour le free jazz et ensuite les musiques impro, cet Art Ensemble. Il y a l'intérêt en effet pour le free jazz. Mmh. Donc ça, il y a des gens qui croient que le free jazz, c'est de l'improvisation droit devant. Et bien pas du tout. C'est très géré et ça bouscule les structures. Et notamment, d'abord aussi les émotions. Parce qu'il y a lui, puis après il y aura Steve Lacy, là, qu'on va écouter. Et il y a ce côté enfantin qui arrive. On se donne le droit d'être... pas forcément de faire la musique virile ou trois fois plus vite que truc parce que je joue plus vite que mon ombre. Ou... voilà, on n'a rien à prouver, si ce n'est se jouer soi. Il y a un truc avec ça qui est très, très fort. Et la structure n'est plus non plus AABA ou je sais pas, je joue et puis après j'improvise mon truc. De toute façon, ça n'a aucun rapport avec le thème. Enfin, tout ça, ça se bouscule et ça fait, c'est beaucoup plus uni, je pense, c'est beaucoup plus personnalisé, donc identitaire, quelque chose comme ça, et du coup beaucoup plus varié aussi. Donc et même des instruments comme là on l'entend pas forcément, mais je sais pas, comme un contrebassiste, eh ben, il va composer, il va faire un solo pendant une heure, voilà, tout ça, les limites sont débloqués. Puis en plus là il y a plein, ils sont tous polyinstrumentistes, ils jouent des petites choses, du klaxon, du voilà, des choses comme ça qui fait que c'est, voilà, on se donne le droit un peu de tout faire, quoi. On vient là d'écouter donc Morton Feldman avec son quatuor à cordes numéro 2. Morton Feldman, d'alors vous allez nous dire qui est ce musicien que personnellement j'ai découvert avec votre liste. Ah d'accord. Et après vous nous direz un peu pourquoi il est inclus dans votre liste. Ah bah oui. Ben Morton Feldman, c'est un musicien donc américain qui, on dit qu'il est minimaliste. Pour moi, c'est lui qui nous a montré, parce qu'il a, à l'époque, il a quand même, il est sorti du lot dans nos écoutes avec John Cage, qui était ami avec lui. D'ailleurs, ils étaient amis tous les deux. Ils sont beaucoup soutenus. Surtout, Morton Feldman a découvert beaucoup de choses avec John Cage, mais qui était encore donc ce pied mis dans la musique contemporaine et qui se passait à l'époque, et notamment donc ce rapport avec le temps, voilà, et dilatation du temps, et qui est quelque chose d'assez extraordinaire dans la musique quand même. C'est un ressenti comme une hypnose, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, les musiques indiennes, et ben pendant 4 heures, on y va, quoi. C'est comme si ça faisait qu'une demi-heure qu'on était là. Et c'est vrai que lui, il a fait des... Il plaque un accord et puis ça dure, il le laisse sonner, voilà. Et là, il y a l'oreille qui, non seulement qui s'affine, qui écoute les détails, mais qui se laisse aller et qui ne fait plus attention à la mesure, au temps métrique et tout ça. Et c'est autre chose, c'est une autre planète. Et, voilà. Et c'est vrai que dans ce que vous venez de dire, c'est presque un début de définition de votre musique. La musique, c'est autant un aspect mélodique, mais surtout un travail sur le son. Et ouais, pour essayer effectivement de varier les sons, on parlera tout à l'heure de votre technique pianistique, qui est quand même, elle aussi, assez singulière. De choper tous les détails du son tel qu'il a été donné par le musicien. Ben ça, c'est pour moi, c'est la plus belle découverte de la musique du XXe siècle. Pour moi, c'est par exemple l'électroacoustique. Mmh. C'est quelque chose, le son tel qu'il est et qu'on peut trafiquer. Moi, je n'ai un peu fait, parce que j'ai fait université de musique là, à Aix-en-Provence, j'en avais un peu fait. À l'époque, c'était fait avec les ciseaux, la bande, oui, et tout, de la bande magnétique, avec le scotch et tout. Ouais. C'était l'école de l'IRCAM première période. Puis GRM et tout, ouais, ça, que je n'ai pas mis là, mais ça ne fait rien. Et donc, c'est le son qui, si on le regarde de près, c'est une richesse folle, c'est infini. Et le timbre, il n'y a même pas de mots pour le définir, tellement il y a de choses. Et notamment le temps, parce que la musique, c'est aussi le temps. On comprend pourquoi vous dites que vous avez été peu attiré par le rock, par le pop finalement, hein, de votre adolescence. C'est sûr que votre musique, elle se définit par plein de choses, mais la ligne mélodique est quasi absente. Par exemple, Disons que la mélodie devient un élément comme les autres et pas le élément de la musique, comme l'harmonie. Voilà, avant, c'est à un moment, c'est vrai que ça suffit plus. C'est parce que finalement, l'être humain, il est touché dans son ventre par exemple, la musique de la nature. C'est pas ni mélodique, ni harmonique, ni encore que. Je dis encore que parce qu'il y a mon fils hier qui nous a envoyé une chose que j'avais écoutée il y a longtemps, des grillons, une musique de criquet, je crois, ralentie. Mais c'est la folie, c'est un morceau de musique classique. C'est incroyable. Voilà, donc peut-être que l'harmonie est dans la nature. Robert Wyatt, l'ancien chanteur de Soft Machine. Bah, c'est encore quelqu'un que j'adore, qui me fait chialer. Ouais. Je trouve qu'il a une poésie qui me touche, qui mélange tout aussi. Fred Frith joue avec lui, Mongetti Fedza, dont on parlait, il a joué avec lui. Je veux dire, c'est quelqu'un de très... Mais pour moi, je me disais que pour moi, c'est ça, une chanson. C'est quand le rapport musique et musique et chant, c'est égal-égal. Et on ne fait pas l'un et l'autre, et un passage musical, machin. Et c'est simple, il ne va pas chercher midi à 14h, sa batterie, c'est simple. Tous les accords sont simples, il chante. Même ses paroles sont hyper simples, tout est simple. Et puis c'est vraiment lui, quoi. Voilà. Puis, alors, il fait partie, bien sûr, de mes influences de départ de Soft Machine. Alors, juste un petit clin d'œil. C'est à un moment, donc on était fan, je me rappelle, avec c'est devenu mon mari, c'était le copain de mon frère aîné, enfin, etc. le père de mes enfants et tout et tout. Et à un moment, on adorait Moon In June. Voilà, tous, du coup, parce que bon. Et le truc, on a passé un été à le mettre en place, Moon In June, et moi j'ai relevé tout Moon In June, toutes les parties, de la batterie jusqu'au solo d'orgue et tout ça. Et donc je connais par cœur, et notamment donc il y avait Wyatt qui intervenait énormément dedans. Et voilà, j'aime beaucoup sa manière de chanter. D'ailleurs, il adorait Billie Holiday, mais ça m'étonne pas, quoi. Voilà, ce côté presque. Onirique, on dirait un fantôme, il plane au-dessus, mélancolique, il y a un truc. Et puis c'est un anglais, j'adore tout ce qui est anglais, même les jardins. Et ça, c'est votre grand frère qui vous a initié à ces musiques ? Ah bah oui, carrément. Bah oui, il a fait un groupe, alors moi je faisais le clavier, il a écrit. Ouais. Comment s'appelait ce groupe ? Non, c'est pas... Oh là là, il avait un nom affreux. Qui s'appelait, c'était mon frère, ça, parce que je m'entends absolument plus avec lui. Insupportable, mais bon, bref, Cracha, c'est beau. Hein. Ah ouais, ouais, c'est mignon, hein. C'était du punk avant les punks. Voilà, c'est ça. Là, j'étais jeune. Continuum, un morceau de Giorgi Leghetti, joué par une joueuse de clavecin, Elisabeth Kojnaka, joueuse de clavecin décédée. Là aussi, pourquoi ce morceau dans votre liste où on revient à la musique, j'allais dire, contemporaine, Leghetti étant un auteur de la deuxième moitié du XXe ? Bah oui, il a été... très important pour moi, ce morceau. ce jeu de clavecin, en fait, je me le prends pour le piano. Ce côté léger, des notes très proches, justement proche du continuum, parce que, en fait, là, Leghetti voulait essayer de rapprocher avec un clavier, rapprocher au son continu, hein, parce que ce qu'on ne peut pas faire au piano. Et voilà. Il dit, le clavecin, c'est plus rapide, on peut faire 15 à 16 notes par seconde. Et c'est vrai, et on touche un clavecin, c'est vrai que le fait que ce soit pincé, que la, Je veux dire, quand on appuie sur la touche, c'est très court et ça rebondit tout de suite. C'est très, très léger. On peut y aller, quoi. On peut aller très vite. Et moi, c'est vrai que j'aime bien faire des notes très vite. Il y a un effet comme ça assez moi, qui me plaît beaucoup. Et ce morceau, je l'ai beaucoup... m'a beaucoup inspiré parce qu'en fait, voilà, c'est des morceaux que je vais mettre qui m'inspirent parce que le free jazz, ben, il faut se nourrir. Et il n'y a pas du tout que la musique qui nourrit. Il y a tout. Moi, il y a mon jardin qui me nourrit. Il y a une promenade qui me nourrit, des architectures, enfin n'importe quoi, un dessin. Et il y a donc ce que font les autres et notamment la musique contemporaine. Je dis là, bon, des musiques contemporaines parce qu'il y a un peu de tout, c'est un monde. Hein. Et Giorgio Ligeti, qui est aussi donc, quelqu'un qui fait des choses très intéressantes. Et dans les années justement 50-60, tous ces gens-là, Luc Ferrari, Berlioz, Stockhausen, John Cage, tous ces gens-là. D'ailleurs, j'ai jamais, moi, ça m'a énervé que justement l'improvisation et la musique contemporaine, c'est pas plus de rapport. Mmh. Pour moi, j'avais commencé une maîtrise qui était de mélanger, de fusionner les deux. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y avait deux morceaux qui improvisent, et puis on s'en fout à la limite. Mmh. Moi, je m'en fous. On est resté tout à l'heure à l'époque où vous écoutiez et vous subissiez la variété d'un de vos frères. Vous écoutiez le rock progressif de l'autre tout en écoutant le jazz ou la chanson française dans la voiture de vos parents. Mais vous-même, vous êtes arrivé au free jazz et à la musique improvisée. Comment? mon futur ex, elle est bonne, ça. qui s'intéressait à ça aussi. Et puis, il y avait l'improvisation quand même qui traînait dans la maison, style mon père, qui jouait avec sa trompette. Avec sa trompette. Et puis, il fallait l'accompagner de temps en temps, ce qui m'énervait beaucoup, parce que je n'étais pas bonne à faire des accords, je les trouvais nuls. Mais voilà, puis je ne sais pas, quand même, dans le rock progressif, il y avait des mélanges. Hein. Fred Frith, il n'a pas fait, maintenant, il différencie bien les deux, mais quand même, il y avait des passages un peu starbés qui m'étaient... Puis moi, j'adorais, c'était des fois les introductions... C'était là où ils se lâchaient, même en classique. Hein, y a l'introduction. À un moment, pouf, on fait des trucs pas possibles. Et puis on revient au petit machin normal. Ça a interpellé, quoi. Puis c'est là où j'étais plus à l'aise, finalement. quand j'y pense. Voilà, puis très vite, ben, moi, j'aurais pas cru faire ça du tout sérieusement, franchement. Parce que... ce qui allait quand même avec un caractère que l'on sent un peu rebelle. Rebelle un peu comme peu elle peut. Et rebelle en particulier au cadre imposé par l'étude musicale. Par l'étude en général, mais oui, rebelle, je voulais pas être là où j'étais en fait. Et puis je trouvais tout. Voilà. Mais à l'époque, hein, la rébellion, quand même, les années 68, moi en 68, j'étais là-bas, j'étais petite, hein, justement. Oui. J'étais petite, mais je me rappelle comme si c'était hier, quoi. Vraiment de tout, je peux vous le dire, les détails. Et en même temps que cette découverte du free et des musiques impro, où vous vous lancez un peu là-dedans, vous continuez vos études musicales, où vous arrivez à pouvoir passer le CAPES. Ah bah oui, ouais, c'était un mauvais calcul d'ailleurs, mais c'est pas grave, le CAPES, l'enseignement, mais bon. Oui, parce que je suis partie de la maison pas très, à 20 ans, donc voilà, en plein dans, je commençais mes études de musique. Donc je disais à Aix-en-Provence, c'était vraiment, à l'époque c'était le début en fait de l'université de musique. Il y en avait trois, je crois, il y avait Lille, dans quatre peut-être avec Paris, et il y avait aussi Toulouse et Aix-en-Provence. Alors ouais, c'était vraiment incroyable. Et puis je suis arrivée à Toulouse et c'était vraiment donc le monde de surtout on ne bouge rien et surtout Plasson c'est le dieu et je veux dire on continue à se prosterner devant Mozart et Beethoven. Et là ça m'a coupé tout sous les pieds. Et comment vous en êtes arrivée à devenir musicienne professionnelle du c'est une longue évolution. Surtout avec la musique que vous jouiez. Longue, oui, on va dire plutôt une un peu de confiance, quoi. Il faut un peu de confiance. Donc, en effet, je suis partie de chez moi. J'étais déjà un peu plus sans confiance parce que chez moi, ce n'était pas vraiment fait pour me mettre en confiance. Et donc là, en effet, on était tout de suite, on a fait que ça. Ici, on a eu le premier groupe de free jazz qui s'appelait Nothing to Lose avec Philippe Quesin. On était trois. Et on répétait toutes les semaines. Donc j'avais 20 ans. Voilà. Même jeune maman, mon gamin, il avait 3 semaines. Hop, on y allait répéter à la ferme du Lauragais. Voilà. Avec lequel vous gagnez un prix spécial d'interprétation au festival Focus de Bordeaux. Oui, absolument. C'était Mal Waldron qui était là. Ah oui. Eh ouais. Alors là, ça, ah oui, quand même. Carrément. Spécial, c'est-à-dire voilà. Et alors là, je peux vous dire que les deux autres, ils n'étaient pas contents. refuse-le, parce que c'est un truc de groupe. Je dis, ouais, super. Et c'est vrai que ça marque aussi quelque chose. C'est presque votre entrée dans le milieu des musiciens improvisateurs, un prix comme ça. Ben oui, parce qu'on demande un peu. Enfin, moi, je demandais à avoir des repères là-dedans parce que qu'est-ce que je vaux notre. Nous, ce qu'on ressent, bon, on ressent surtout que des fois, on se dit, ouais, on est vachement bon et tout ça. Mais bon, après, par rapport aux autres, on ne sait pas trop. Hein. Et en fait, oui, ça m'a confortée quelque part. Parce que là je commençais vraiment à plonger là-dedans, sérieusement. Ouais. Et puis, j'ai envoyé la petite cassette qu'on avait enregistrée dans un studio, bien faite et tout ça. Composition, beaucoup. Donc, je l'ai envoyée aux gens que j'appréciais et qui... Et j'étais sûre qu'ils allaient me répondre, en plus. Quand j'y pense, mais ils m'ont tous répondu. Hein. Ah oui, quand même. Donc, dont Steve Lessie, d'ailleurs. Vous pensiez bien. Ben voilà. C'est incroyable. Voilà, et puis... Oui, ils m'ont répondu. Mais du coup, ça vous ouvre des collaborations avec plein de gens. Et ce premier prix, et aussi le fait d'envoyer votre musique à d'autres musiciens improvisateurs, bah ouais, ça ouvre. Vous jouez avec Capozzo, par exemple. Oui, bien plus tard. Oui. Et c'est vrai que ça ouvre des chaînes du possible, là, pour le coup. Mais à l'époque, c'était plus simple. Les choses étaient plus simples que maintenant. Pour ça que... Même pour une musicienne, avec un milieu qui était quand même essentiellement masculin. Mais à la limite, être... Non, ça m'a... je pense que comme j'étais au piano, c'était pas très original de voir une fille qui joue du piano, du violon, tout ça, c'est normal. Saxophone, batterie... Un peu moins. Voilà. Voilà Steve Reich avec un morceau Different Trains joué ici par le Kronos Quartet. Steve Reich qui fait partie de cette école de musique contemporaine américaine, minimaliste, répétitive, dont on sent beaucoup l'influence dans votre jeu et dans vos compositions. Oui, Steve Reich... Il est particulier, hein. Ils sont particuliers d'ailleurs tous à faire leur musique minimale. Avec Riley aussi. Voilà, Terry Riley, c'est particulier. Et puis il y en a plein. Il y a même, comment il s'appelle, Michael Nyman, il a fait des trucs. Bon, je n'aime pas tout ce qu'il fait, mais il y a des choses magnifiques. Enfin, il y a Colon Nankaro aussi. Enfin, bon, il y en a pas mal. Ouais. Bah oui, il y a cette influence qu'ils ont... où tout se mélange là quand même, tout est voilà. Et là, ce morceau-là, il est particulier justement. C'est là où il travaille une nouvelle chose, la boucle, donc la répétition, c'est sûr, avec la bande qui voilà, et des enregistrements. Donc le train, on entend des enregistrements aussi de. Oui, voilà, de voix. De sifflement de train et de voix dont voilà. On imagine que peut-être elle annoncerait le nom des stations que voilà. Le train est en train de desservir. Voilà, et là, ce qui est très important quelque part là-dedans, c'est cette voix enregistrée qui est une voix parlée et qui l'utilise en mélodie. Et l'effet, moi j'adore ça, on ne sait plus là aussi s'il chante ou pas. Non, c'est un mec qui parle, il enregistrait comme ça. Et ça, j'adore ça. Ça devient un élément musical incroyable, transformé. Voilà. J'aime beaucoup. Avec ce que vous dites là, on en arrive à se dire que pour vous aussi, la musique, c'est aussi un travail de studio. Il y a le travail de la scène qui est important pour vous. Et c'est là que on vous a connu et c'est là qu'on continue à vous voir. Mais il y a aussi le studio et tout ce qui tourne autour de ces bidouillages, de ces rencontres entre plusieurs techniques, de ce travail sur la table de mixage. Et ça, c'est aussi un passage obligé pour vous en tant que musicienne ? Obligé, je ne sais pas. Mais c'est très intéressant. Enfin, je veux dire, c'est en effet. D'ailleurs, quand on enregistre un disque de musique improvisée, quel plaisir après de faire des découpages. Mais franchement, quoi. Et là, on a fait avec Jean-Yves Évrard un disque où on est tous les deux. Et lui, il a passé, je crois, un été entier à faire, je ne sais plus combien d'heures par jour, à tout reprendre, à découper, tout ça, ce qu'on a fait. Et à tout reconstruire. Presque, en gardant bien sûr les trucs, l'essentiel, c'est clair. Mais oui, parce que c'est le bon côté de la technologie. Je veux dire, faire des choses justement qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec de la machine. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est essayer de faire au piano quelque chose qu'on croit que c'est fait à la machine. Ah ouais. Alors qu'une partie de votre production discographique qui est phénoménal, je veux dire, il y a des tas de disques où Christine Wodraska joue sur ses albums sous son nom en duo, mais avec des tas d'autres invités inclus dans des tas de formations. Mais il y en a beaucoup qui sont des enregistrements publics. Il y en a pas mal, mais il y a du studio quand même. Il y a beaucoup de studios. Mais c'est aussi. Très très différent le studio. Ouais. C'est une concentration très différente. Je trouve que c'est plus intériorisé. Et puis on sait que c'est un disque. On sait qu'il faut aller plus dans le vif du sujet, que les longueurs peuvent être piégeantes. Et en concert, pas du tout. Ouais. Enfin, c'est très spécial. Mais ce côté vraiment travail un peu sur la table, moi, j'aime bien aussi. Joy, un morceau où l'on entend le saxophone de Steve Lacy, saxoprano de Steve Lacy, et puis la voix d'Irène Ebi. Et au piano, Frédéric Rzewski. Et donc, un trio important aussi pour ce qui va devenir le sol et la technique de Christine Wodraska. Steve Lacy a été vraiment important, oui. Alors voilà encore un joueur de free jazz qui compose à fond. Mais voilà, c'est... Il a... D'ailleurs, sa manière d'improviser est très... elle, comment dire, ouais, elle détend. Enfin, on se met moins la pression, c'est-à-dire, on continue à faire le thème, on le reprend, on le laisse faire, un peu à la Nouvelle-Orléans, la New Orleans, machin, et on brode, et on revient, et voilà, tout simple, tout, on laisse aller. Et il me fait penser un peu à Wyatt aussi, dans ce côté un peu mélancolique, et en même temps, son son de saxophone, il me faut un quart de seconde pour le reconnaître, lui. C'est lui. Au soprano, en plus, qui n'est pas un instrument fabuleux, quelque part, au niveau de timbre, mais là, c'est extraordinaire. Il a un côté... Donc, il est fan de Monk. Moi, j'étais fan de Monk aussi. Et il a une joie aussi dans ce qu'il fait. Il y a un côté, un peu asiatique, quelque part. Je sais pas, il y a quelque chose qui est très poétique aussi. Et il n'y avait pas que son qui était aérien. Sa présence sur scène aussi est très, très aérienne. Oui. Quelque chose de zen, voilà. Ce monsieur. On a joué un ou deux morceaux de lui, je m'en rappelle, à l'époque. Comme de Monk, on se permettait des choses comme ça. Quand vous dites on a joué... Oui, c'était avec mon... Yves Romain, donc il s'appelle, je ne l'ai pas dit, avec qui on faisait un duo, donc contrebasse, piano. Piano. Voilà, et donc on jouait à deux, on reprenait donc des morceaux comme ça. Et... Au début des années 90, vous étiez une musicienne professionnelle ? Oui, c'était à l'époque, oui, puis après j'ai plus voulu en vivre parce que... Justement, encore un côté un peu claustrophobe dans le. Il me faut tant de concerts pour être intermittent. Ouais. Mais tant pis, non. Voilà. Je ne peux pas faire la course au concert, ce n'était pas possible. C'est vrai que vous avez également eu, j'allais dire, des activités à la fac, intervenante ici à Jean Jaurès, anciennement Université du Mirail, où vous avez monté aussi des formations avec des étudiants. Il y a eu notamment l'aventure du fil qui, pendant quelques années, a proposé de la musique free en grand ensemble, mais aussi des compositions de musiciens, j'allais dire classiques, style Terry Riley, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Vous avez joué le INSI de Terry Riley avec ces étudiants-là qui entre étaient autres, regroupés dans le fil. Ça a été quoi votre activité pédagogique, pour le coup? Un bon souvenir? Avec ce que vous nous dites, j'ai du mal à le croire, mais ça a été un bon souvenir de se confronter au monde universitaire? Par rapport au monde de l'enseignement secondaire, je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. Quand même. Puisque vous avez été aussi enseignante en secondaire. Mais pas longtemps. Quand vous avez votre CAPES. C'était trop difficile pour moi, oui. Exactement. Donc, je faisais de l'improvisation, donc dans la filière jazz. Et c'est une bonne idée, en effet, qu'il avait de Michel Parmentier de contrer un peu tout ce qu'ils apprenaient, qui était très précis et très, voilà, les patterns, les trucs, et puis moi je disais le contraire, donc tout allait bien. Et au début il y avait peu de clients, puis après ils faisaient tous il y avait la queue là, il fallait que je limite tout, voilà. Donc comme quoi il y a des gens qui sont intéressés quand même. Non, je dis ça parce que c'est vrai que ça évolue dans le temps, cette histoire d'improvisation, parce que de toute façon elle a toujours existé depuis que l'homme est l'homme et qu'il fait de la musique. De toute façon, ils improvisent à un moment, les compositeurs. Oui, ne serait-ce que pour inventer ce qu'on va écouter absolument. Après. Absolument, c'est sûr. Et nous, je dis ça parce que pour moi, c'est très important de composer en direct. Parce qu'il n'y en a pas vraiment. J'ai vu, par exemple, quand j'étais à Chicago, c'était « je joue ce qui vient ». Moi, c'est les deux en même temps. Je joue ce qui vient, mais je compose avec. Ça veut dire quoi, ça? Je joue ce qui vient, mais je compose avec. Ça, c'est une... c'est une, je veux dire, une petite contradiction. Absolument. Ce qui est un peu un sport. je laisse faire mes gestes. Je suis proche du laisser-faire total. Mais quelque part, je suis très attentive au rendu. Et mon ce qui va venir avec va dépendre de ce qui a été fait. Vous laissez les doigts agir tout en les regardant agir et en concevant dans la tête ce qui va suivre, mais en laissant quand même les mains agir. Oui, un truc comme ça. Thank you. Beat Führer, compositeur suisse important pour vous. Vous nous en dites deux mots et vous nous dites un peu ce qu'il apporte à votre façon de voir le piano. Oui. Alors là aussi, on me le fait découvrir. il compose d'abord hyper bien pour le piano. Vraiment très intéressant pour le piano. Il a fait notamment un concerto piano. J'aime énormément son énergie. Compositeur musique contemporaine, hein, c'est un monsieur qui a fait les classiques. Il est chef d'orchestre, tout ça. Enfin, bon, il est de ma génération. Et il a une énergie. Alors quand je dis énergie, c'est pas non plus puissance, machin. C'est une présence, une tension, qui me va, qui me correspond totalement. Et encore donc musique contemporaine, moi qui me nourrit vraiment beaucoup plus que la musique improvisée, je le dis. Hein. Je n'écoute presque pas. On est en train de le découvrir. Oui. Bah ouais, mais il n'y a pas que moi, vous voyez. Je pense en musicien. Oui, parce que la musique improvisée pour l'écouter, c'est autre chose. C'est différent. Et un compositeur va directement aussi dans le vif du sujet, ce qui peut être des fois un peu plus hasardeux dans la musique improvisée. Et puis il développe, du coup, moi ce que j'aime beaucoup le développement, c'est-à-dire creuser, et mettre du temps pour arriver là, mais sûrement. D'où l'intérêt aussi pour vous des musiques répétitives. Aussi, oui. Mais même pour moi, Cécile Taylor, il fait de la musique répétitive. Enfin, j'exagère, hein, mais il pas y va. Voilà, il fait son truc. Et puis, c'est du souffle. J'aime beaucoup le souffle. Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours intéressant au bout avec une idée pendant un quart d'heure, si ce n'est une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Et lui, ce monsieur au piano, donc je trouve. Là aussi, c'est très simple ce qu'il fait, ce qu'il joue. C'est deux fois éléments, pas plus. Tac, tac, tac, tac, tac. Eh ben, faut tenir un quart d'heure comme ça. Ta, ta, ta. Et on est souvent, happé par le temps. Je dis non, ça va emmerder tout le monde. On peut cogiter quand on prend du temps comme ça à installer une idée. Et finalement, je trouve qu'il y a une idée développée. Pour moi, c'est la base de l'improvisation. Et très souvent, il y a des improvisateurs qui me demandent « Alors, ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai dit « Là, il y a eu 15 idées, t'en prends une, tu fais deux jours de musique. » Ah oui, oui. Ce que vous faites avec Betty Ovette, cette façon de prendre une séquence et de la jouer, de la jouer, de la jouer, de la jouer, de la rejouer, et en faisant simplement peut-être varier l'intensité avec laquelle cette phrase-là est jouée, mais on s'aperçoit à la fin du morceau qu'il y a eu quatre notes qui ont été jouées pendant les 12 minutes qui viennent de passer. C'est ça, et finalement, on est beaucoup plus dans le détail. Dans le moindre petite chose qui bouge, on l'entend bouger et c'est presque de la micro-écoute, je sais pas comment dire. Et ce geste, comme je disais tout à l'heure, on le gère pas, c'est les deux. Et moi, des fois, maintenant, je m'amuse à faire quelque chose et puis c'est les doigts qui vont me guider. C'est-à-dire à un moment, je tape à côté, je fais pas exprès. Ah ben voilà, je garde le truc. Ah, je garde, ok. Ah, le doigt est un peu plus fort, tiens, je vais le garder. Voilà. Et c'est, pourquoi pas, je veux dire, c'est rigolo. Le corps est avec moi, quoi. Il est très près. Et après, vous avez développé une technique qui vous est propre avec cette façon dont vous pouvez dire que ce qui vous intéresse dans le piano, c'est autant les cordes que tout ce qui est autour. Et que le piano, c'est aussi un superbe instrument de percussion, ce qu'il est déjà, puisqu'on tape sur des cordes. Ouais. Mais on peut aussi taper sur le cadre, on peut aussi faire vibrer les touches, on peut se servir de l'ensemble de l'instrument pour faire du son. Et c'est vrai que ça aussi, c'est peut-être un peu votre marque de fabrique. Le piano ne s'arrête pas aux cordes. Non, mais en effet, il ne s'arrête pas aux cordes. Moi, ce que j'aime bien, par contre, c'est faire, c'est et l'un et l'autre. C'est-à-dire, j'aime beaucoup faire du clavier aussi. Et j'aime faire aussi de la musique, donc du piano préparé. Ah bah c'est M. Cage hein, qui nous a un peu montré le truc. Mais j'avais l'idée avant lui, non, je rigole. Non, mais des fois on le sait le pas. Des fois, on tombe sur les mêmes idées, on ne sait même pas. Non, mais c'est parce que c'est tellement, quand on voit ces pianos-là... Oui, puisque vous jouez surtout sur des pianos à queue. C'est un peu pour ça aussi. Mais puis c'est un autre instrument, je veux dire, c'est tellement plus... résonnant, plus près, je ne sais pas, c'est une stéréo, quoi. Ouais. C'est comme si on jouait sur un piano de doigt, c'est autre chose, c'est sûr. Mais oui, c'est, puis ça repose aussi du son du piano, qui est finalement assez fini. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est trouver justement des sonorités de piano, je dis normal, dans ce cas-là, dans le jeu. Et qui va faire que, ben là, tiens, si je fais ça... Et lui, notamment, il sait le faire aussi, Beat Führer. Ouais. À un moment, il y aura un jeu, une manière de jouer qui va faire que, ben tiens, on... oh, c'est un son bizarre de piano, alors que non, c'est du piano normal, quoi. Enfin, voilà, on joue. Jamais. Jamais arme juste. Et là, on finit votre liste, Christine Vodraska, ah avec un morceau d'électronique fabriqué avec votre fils, Thomas Romain. Oui. C'est une nouvelle voix pour vous, ça, ou c'était simplement une collaboration épisodique avec le fiston? Ben c'était, on ne savait pas, c'était une demande de sa part qui était, quand on est maman, c'est ouah, c'est un cadeau. Je dis oui, ça serait bien qu'on mêle nos univers. Je dis oh, ben, je t'en prie, allons-y. Donc, on se voyait une fois par semaine, donc ne sachant pas trop. Bon, lui, il est passionné de musique. Par l'électro. Oui, de l'électro, mais pas que. Et du coup, de la musique du papa, la musique de la maman, et tout ça. Mais ils prennent tout, ces jeunes-là, ils prennent tout comme juste des éléments. Mmh. Et ça, c'est autre chose. Comme je disais tout à l'heure, l'harmonie n'est plus centrale, c'est un élément. Et là, tout est un élément. Et je trouve ça très... Donc, une palette de sons, mais qui est plus... Voilà, qui est très changeante, finalement. Et donc, je m'y suis mise parce qu'il s'y est mis. Et c'est vrai que ça ouvre d'autres choses... Ouais, d'autres horizons. Et travailler avec son fils. Surtout que c'était super... super travailleur. Donc, lui, il était aux manettes. Moi, j'étais un peu à la composition, parce que je ne connais rien aux ordinateurs, tout ça. Puis lui, il transformait les sons et puis il mixait. Alors là, on était partis sur Parmé Gagny. Voilà, il découvrait tout ce monde-là, du GRM, électroacoustique, le son, tout, quoi. Et il a mis un morceau dedans que je fais dans mon solo linéaire, où je joue avec un bâton, des sons un peu bizarres, voilà, on entend, de temps en temps, c'est moi. Donc j'y suis un peu. Et je trouve ce morceau, moi je trouve qu'il swing, j'aime beaucoup, quoi. Et c'est des choses que vous pouvez, que vous pourriez développer il vient là au mois de juillet, pendant 15 jours, on va faire que ça. Ah ouais. Voilà, et on a fait des disques, de vinyle, et ouais. Ouais. Ouais. Ouais. C'est trop particulier, c'est trop... Christine Vodraska se lance dans l'électro. Oh bah oui, je vais faire même l'électro, oui. Et puis là, je vais faire sûrement une résidence au GMEA avec Mathieu Guilin, qui fait du modulaire, enfin oui. Ah oui. Eh bien, très bien, ça voilà. Sera... Voilà, les petits jeunes avec moi. Ouais. Ça sera de nouvelles aventures, puisque quand même, Christine Vodraska, ce qui marque un peu votre parcours musical, c'est cette recherche quand même d'aventure et d'aller chercher un peu de l'autre côté de la colline ce qui pourrait se passer. Ben oui, parce qu'il ne faut pas que je m'embête. Et si je ne peux pas faire deux fois la même chose, il faut que ça me stimule, sinon je ne le fais pas. Voilà, c'est clair. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'être venu passer ce petit moment avec nous et avec la liste que vous nous avez amenée. Merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à Marc Lazzaro d'avoir réalisé cette émission. Merci également à Loïc Laporte d'avoir composé le générique original de ce programme. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Cette liste est la dernière de la saison. On se retrouve la saison prochaine avec plein d'autres invités qui viendront amener leur liste pour pouvoir nous aider à découvrir un peu leur parcours. Bye.